c'est comme ça qu'on adore le Congo démocratique. Alléluia. El Shaddai, Adonai, El Elyon, Elohim, nul n'est semblable à lui. Dieu puissant, redoutable, Zakumba est son nom, célébrons-le. Il est le Dieu créateur de l'univers. Et tout ce qu'il a créé est magnifique. Et surtout, il a créé à partir du néant. Même vous là, les savants du monde, essayez de créer.